Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. J'aime beaucoup le Marx jeune, qui était d'ailleurs très beau gosse. C'est plutôt cette image d'un jeune Marx tout juste sorti de la puberté que j'ai en tête quand je pense à lui. Il a un petit duvet adolescent un petit peu ridicule et une touffe de cheveux en bataille. On dit que Marx était un peu bambocheur, que picoler ne lui déplaisait pas, qu'il aimait bien s'amuser, partager la société de joyeux gaillards, et que dans un premier temps, rien n'annonce la maturité lumineuse dans la cervelle encore molle, ondoyante, printanière de Marx jeune. Karl Marx, l'inconnu. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. Deuxième partie, une jeunesse allemande. Wie sah Marx eigentlich aus in dieser Zeit? Wir kennen aber nur Beschreibungen. À quoi ressemblait Marx à l'époque? On a peu de choses. Von seinen Schwestern, wie als Kind ausgesehen. Quelques descriptions de lui enfant faites par ses sœurs. Und wir haben et un portrait de lui adolescent, celui qui orne les couvertures des livres depuis des générations. On voit un jeune homme, les cheveux bruns, avec une barbichette. L'archétype même du jeune romantique allemand. Entrez, entrez. Elisabeth Neu. Obwohl man sich an ihn eigentlich als den alten Mann mit Bart erinnert. Il est vrai qu'on a souvent de lui l'image d'un vieil homme barbu. Aber wir sind hier in seinem Geburtshaus. Hier war er jung. Et ici, nous sommes dans sa maison natale. In seiner Jugend hatte er là où il a été jeune. Die Ideen angelegt, die sein Leben prägen sollten. Et c'est jeune qu'il a eu les idées qui ont déterminé toute sa vie. Und ich finde gerade den jungen Marx sehr spannend. Moi, je trouve le jeune Marx fascinant. Ich bin als ganz junge Frau hier in dieses Haus gekommen und war fasziniert. J'étais une très jeune femme quand j'ai commencé à travailler dans cette maison. Von dem wunderhübschen Haus, von diesem schönen Ambiente. J'ai tout de suite été fascinée par la beauté du lieu et l'atmosphère qui s'en dégageait. Ein altes barockes Haus. C'est une ancienne demeure barocque. Ich stelle mir hier in dem Haus den kleinen Karl Marx vor. Où je m'imagine le petit Karl Marx d'abord bébé, puis apprenant der hier à faire ses premiers pas. Erstmal ein Baby war und dann laufen lernte und dann schon rausging aus dem Haus. Avant de quitter cette maison. Das kann man sich nur mit Fantasie vorstellen, wie das gewesen sein mag. Es war die Zeit, mais tout cela n'est bien sûr que le fruit de mon imagination. Oder mit Bussen fortbewegten, on ne peut qu'imaginer comment les choses oder étaient à l'époque. Ritten oder il n'y avait ni voiture, ni Wagen bus. Hinter sich hergezogen on se déplaçait haben. Encore en calèche, à cheval, ou avec une simple carriole. Und das ist natürlich eine ganz andere Welt gewesen, auf die man schauen konnte, wenn man hier aus dem Fenster sah. C'était un tout autre monde qu'on pouvait observer à travers cette fenêtre. Man hat auch das Gefühl, dass hier ein bisschen même der si Marx n'y a vécu qu'un an et demi, zurückgeblieben ist, obwohl er nur seine ersten anderthalb Jahre hier lebte. On a la sensation qu'une petite partie de son esprit est restée ici, dans cette maison. Familie Marx hat hier in diesem Haus nur 18 Monate gelebt. Sie haben hier La famille Marx n'y a en effet vécu que 18 mois. Ils ont loué ce logement d'avril 1818 à septembre 1819, avant d'emménager dans leur propre maison, dans la Siméonstrasse, dans une autre partie de la ville. Ici, c'était un quartier plutôt bourgeois, je pense. En 1818, c'était déjà le centre-ville de Trèves. Des gens de renom habitaient cette rue. Wohnten hier in dieser Straße auch angesehene Leute. Also der Vater von Karl Marx Le père de Marx lui-même était juriste. Und es waren eben auch andere recht wohlhabende Leute, die hier lebten. C'était un quartier de gens vraiment aisés. Dazu gehörte beispielsweise der Vater von Karl Marx. Le père de Karl Marx était issu d'une très ancienne famille juive qui comptait de nombreux rabbins. Béatrix Bouvier. Und für den die französische Revolution La Révolution française leur avait permis de s'instruire et de faire des études. Le père de Marx avait donc pu devenir juriste et exercer sa profession, ce qu'il n'aurait jamais pu faire auparavant. La mère de Marx, elle, s'était installée à Trèves après son mariage. Elle était issue d'une famille juive de Hollande. Une partie de cette famille s'appelait Philips, qui fondera la célèbre société Philips, encore très connue aujourd'hui. Maintenant, on est à l'entrée de l'ancien cimetière juif. Frank Hirschmann. C'est là qu'il y a les tombeaux du grand-père et de l'arrière-grand-père de Karl Marx. Du grand-père, Mordechai Marx Levy, et de l'arrière-grand-père, Moses Wurf. Allons le chercher. Il y a une très longue tradition juive. Déjà à l'époque romaine, il y avait une communauté juive. À l'époque de Karl Marx, il y avait très peu de juifs, parce que, comme dans toute l'Allemagne, au XIVe siècle, l'année de la Grande Peste, on a assassiné pratiquement tous les juifs. Et au XVe siècle, on a expulsé les juifs de tout le territoire de l'archevêché de Trèves. Ce n'est pas impunément qu'on est juif, on est porteur de tout un passé. Pierre Bergouin. Ils étaient frappés dans tous les pays depuis toujours de mesures iniques, scélérates. Par exemple, 2 ans, je crois, avant la naissance de Marx, l'État prussien estime qu'il n'est pas question que les Juifs entrent et exercent dans la fonction publique. C'est terrible. Quelqu'un qui est instruit, qui est savant, qui a étudié, découvre que des pans entiers de la vie, de l'activité, lui sont fermés parce que des idées funestes ont germé dans ses cerveaux protestants, catholiques, prussiens. Voilà. Mordechai Marx Levy, le grand-père, et le beau-père du grand-père. Tous les deux ont été grands rabbis de Trèves. Heinrich Marx, le père de Karl Marx, a plusieurs fois essayé de garder sa religion juive et de devenir fonctionnaire d'État. On l'a refusé, c'est pourquoi il a dû se convertir au protestantisme. C'était entre 1816 et 1819, on ne sait pas quand exactement. C'était donc plutôt une conversion un peu forcée, obligée, nécessaire pour lui. On ne sait pas si Heinrich Marx a éduqué ses fils sur le plan religieux. Probablement pas trop, je dirais. Il y a tellement de façons d'être juif, mais d'abord, historiquement, la famille de Marx est une famille juive. Il y a des rabbins dans sa famille depuis très longtemps. Jacques Attali. Son père quitte le judaïsme que parce que, après avoir tout essayé, c'était la seule façon de conserver son métier d'avocat. Sinon, il n'aurait pas pu le garder. Et d'ailleurs, pour montrer bien que c'est un peu contraint qu'il abandonne le judaïsme, il ne devient pas catholique, ce qui est la religion dominante là où il est, mais il devient protestant. Il se trouvait dans une circonstance où être juif était impossible. Sauf à émigrer, ce qu'il n'a pas voulu faire. Ils auraient pu émigrer en France, ils n'ont pas fait. Et ils ont choisi, puisqu'ils étaient des juifs déjà laïcs, de prendre cette fiction du protestantisme pour vivre libre. Là, nous sommes dans le casino. C'est un bâtiment en style classiciste. Il y avait la Casino-Gesellschaft, la société du casino. C'était l'association des bourgeois de Trèves, de la libéralité. On s'y rencontrait régulièrement. Il y avait des conférences, des lectures, des soupers, des discussions, des bals. C'était vraiment le bâtiment le plus important pour la bourgeoisie de Trèves, dont Heinrich Marx, le père de Karl Marx, qui, une soirée, il avait déjà bu un petit trop, avec quelques amis, il s'est rendu sur la place, le Karl Marx, et ils ont chanté la Marseillaise et ils ont hissé le drapeau tricolore. Grand scandale dans le centre de Trèves. Il faut aussi dire que la ville de Trèves nourrissait un profond ressentiment envers la Prusse. Christian Jensen. Les gens se rappelaient la période française comme un temps où l'on vivait mieux, où l'on avait plus de liberté, où il y avait le code Napoléon, où la communauté juive était émancipée. Marx est né à Trèves en 1818. Et de 1794 à 1815, Trèves avait appartenu à la France. C'est une ville qui avait vraiment bénéficié de cette période française. Jusqu'en 2018, on ne savait pas que le père de Marx était français. Franck Hirschmann. Mais il était né à Saarlouis, et Saarlouis était une ville française. Le père de Marx est donc né français. Et en 1794, lorsque les troupes françaises ont pris Trèves, il a bien sûr conservé sa nationalité. Sous Napoléon aussi. Ce n'est que plus tard, sous le régime prussien, qu'on lui a automatiquement attribué la citoyenneté prussienne, ainsi qu'à son épouse hollandaise. En 1815, la ville de Trèves avait été reprise par la Prusse. Du jour au lendemain, il y avait une frontière qui passait juste à côté de la ville, une frontière avec la France, une frontière avec un pays désormais ennemi. C'est pourquoi le sentiment anti-prussien était aussi fort à Trèves. Il y avait une véritable nostalgie de la France, surtout au casino. Le père de Marx lui-même avait d'excellents souvenirs de cette période française. je me suis longtemps assez mal représenté ce qu'avait pu être le rayonnement de la France en ces heures historiques où elle décide d'abattre l'Ancien Régime et de lui substituer une République une et indivisible. C'est que les nouvelles circulaient de par l'Europe et que les esprits les plus clairvoyants s'enchantaient littéralement de ce qu'ils apprenaient que nos ancêtres faisaient. Hölderlin, Hegel et Fichte jeunes, qui nuitamment creusent un trou dans la cour du lycée pour y planter un arbre de la liberté. Au grand scandale, naturellement, des autorités qui vous donnent très mauvais œil, les pensées délétères qui ont infecté la cervelle de ces étudiants. Qu'il y ait une réelle gallophilie dans une partie de l'intelligentsia allemande, c'est l'évidence. Dans ces régions anciennement françaises, beaucoup de gens étaient encore influencés par la France, le code Napoléon, la révolution française et ce qu'elle avait apporté, la liberté, le développement économique, l'épanouissement d'une nouvelle bourgeoisie. Tout cela, c'était l'héritage de la Révolution française. Mais il y avait aussi l'héritage des Lumières, la tradition d'une pensée libérale. C'est dans ce contexte qu'est né Karl Marx. Toute l'éducation, les enseignants, les livres étaient empreints de cette pensée libérale. Nous sommes là, dans la cour intérieure de l'ancien séminaire catholique, un grand bâtiment, une renaissance tardive, blanc, et à l'époque de Karl Marx, ça servait de lycée. Königliches Gymnasium, lycée royal. C'est ici où il était élève pendant 7 ans. C'était un lycée très très progressif, très très libéral, anti-prussien. Il a eu la chance d'avoir des professeurs très engagés, très lettrés. Le directeur du lycée, Hugo Wittenbach, d'ailleurs il avait servi de guide touristique pour Johann Wolfgang Goethe lors de sa visite à Trèves. C'était vraiment l'esprit du siècle des Lumières. Le lycée prussien tel qu'il existait à l'époque où Marx l'a fréquenté était très marqué par l'esprit du nouvel humanisme qui avait été inspiré par les réformes de Humboldt. Jean Quétier. Et le jeune Marx est quelqu'un qui fait des études classiques finalement, hein, qui étudie le français, mais aussi le latin, le grec, et tout ça a évidemment de l'importance. Cet arrière-plan culturel, ça va marquer ses études ensuite de philosophie, bien sûr, mais plus généralement, hein, ça va rester dans quelque chose de très important, un héritage, je dirais, qu'on pourra retrouver tout au long de son œuvre, de sa vie, quelque chose d'assez fondamental. Méditation d'un adolescent devant le choix d'une profession. À l'homme, la divinité a fixé un but général, ennoblir l'humanité et s'ennoblir lui-même. À lui de rechercher les moyens de l'atteindre, à lui de choisir dans la société la place d'où il peut s'élever au mieux et élever la société avec lui. Peser sérieusement ce choix, c'est donc assurément le premier devoir de l'adolescent au début de sa carrière. Notre imagination s'enflamme, nos sentiments s'émeuvent, des illusions voltigent devant nos yeux. Où tourner nos regards? qui viendra à notre secours si notre raison nous abandonne? Il nous faut donc examiner sérieusement si une profession nous enthousiasme réellement, ou bien si l'enthousiasme n'est qu'erreur, si ce que nous avions pris pour un appel de la divinité n'a été que tromperie. Nous tromper sur nos aptitudes, c'est un crime qui retombera sur nous en vengeance. Il suscite dans notre poitrine la plus terrible des douleurs. Marx Bachelier, c'est vraiment pas encore le grand intellectuel qu'on va connaître. Pauline Clochet. C'est un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus banal, quoique bon élève. Les outils culturels avec lesquels il rédige ses compositions de baccalauréat, et notamment sa composition en langue allemande, qui est presque censée être un petit essai, c'est en fait la simple expression de ce que pense un jeune homme issu de la bourgeoisie intellectuelle à cette époque en Allemagne. C'est-à-dire un humanisme assez généreux, l'individu doit agir pour le bien commun, une forme de déisme plutôt issu des Lumières, qui n'est pas encore une critique de la religion, mais déjà tout de même assez hérétique, puisqu'il s'agit d'un déisme tel qu'on le rencontrerait chez Voltaire, qui était une grande lecture du père de Marx et de son futur beau-père. Donc, une culture issue des Lumières, de l'Aufklärung, c'est-à-dire des Lumières allemandes, une culture issue de la littérature du Sturm und Drang, de Goethe et Schiller, et aussi de leur tournant classiciste. Et les performances qu'il rend au Bachot sont en fait tout à fait représentatives de ce que c'est qu'un jeune lycéen issu à cette époque-là de ce qu'on appelle en Allemagne la Bildungsbürgertum, littéralement la bourgeoisie formée ou la bourgeoisie culturelle, ce qu'on appellerait plutôt en France la bourgeoisie intellectuelle. On s'intègre à la bonne société par les études, par la formation et par l'exercice de l'intellect. L'idée maîtresse qui doit nous guider, c'est le bien de l'humanité et notre perfectionnement. C'est seulement en œuvrant pour le bien et la perfection du monde qui l'entoure que l'homme peut atteindre sa propre perfection. S'il ne crée que pour lui-même, il deviendra peut-être un savant célèbre, un grand sage, un poète distingué, mais jamais un homme accompli. Un homme vraiment grand. Jeune Marx est aussi marqué par le Goethe classiciste, par exemple dans Wilhelm Meister. L'individu se réalise en intégrant la société. Et ça, c'est très lisible, cette forme d'association entre la réalisation de l'individu et sa participation concrète à un corps collectif. C'est lisible dans la manière dont Marx se situe par rapport à son choix de profession, qui est l'objet de sa dissertation en langue allemande, puisqu'il indique que l'individu, notamment intellectuel, se réalisera d'autant plus qu'il œuvrera pour le bien commun dans le cadre d'une communauté. Alors évidemment, il serait rétrospectif et abusif de voir là une préfiguration du Marx communiste. Il n'en demeure pas moins que l'individu gagne sa concrétude, non pas d'une manière strictement individuelle, à la manière d'un génie romantique, à la Schlegel ou Novalis, mais gagne sa concrétude, sa pleine réalité dans le cadre d'une communauté. Und in diesem Klima der Aufklärung wuchs Karl Marx a grandi dans cette atmosphère marquée par les Lumières, que ce soit à la maison ou à l'école. Et il conservera toute sa vie cette ouverture d'esprit qui lui a été donnée par son éducation. Wenn man das Milieu sich anschaut, in dem Karl Marx groß geworden ist, in Trier, in dieser kleinen Stadt, Marx a grandi dans une petite ville. Oberschicht auch, die aus preußischen Honoratioren bestand, administrée par une classe supérieure composée de notables prussiens. Und zu dieser Oberschicht, die preußisch war, gehörte auch die Familie von Westphalen. La famille von Westphalen appartenait à cette classe supérieure prussienne. Les von Westphalen étaient très libéraux. Ils autorisaient par exemple leurs enfants à fréquenter ceux de l'avocat Marx. Les enfants se connaissaient. Jenny von Westphalen, son frère Edgar, Karl Marx et ses sœurs, ils étaient amis, comme étaient leurs parents, et se retrouvaient tous au casino de Trèves. Deux familles qui se connaissaient depuis toujours. Et c'est dans cette famille von Westphalen qu'est née Jenny. Jenny von Westphalen, la future épouse de Marx. La famille de Jenny, la famille von Westphalen, c'était une famille de la basse noblesse, quoi, qui n'était pas une famille vraiment aisée, mais très instruite. Et surtout le père, Ludwig von Westphalen, il a fait de longues promenades sur les collines le long de la Moselle avec Jenny, avec Edgar, le frère de Jenny, et avec Karl Marx, qui était dans la même classe au lycée avec Edgar. Et il leur a récité Shakespeare en anglais et en allemand. Selon la correspondance de Karl Marx, il a beaucoup, beaucoup estimé Ludwig von Westphalen. Rachel Holmes. Marx's father's best friend took a great interest in the bright. Le meilleur ami du père de Karl Marx, Ludwig von Westphalen, se prend donc d'intérêt pour ce jeune homme brillant, si intelligent, si intéressant. He was just so bright, so interesting. And they would go on long walks. Il l'emmène faire de longues promenades. Where they would talk about, durant lesquels ils parlent de Shakespeare, de philosophie, d'Achille, d'art, de culture, d'histoire et de politique. Of art and culture and history and politics, and Jenny. Jenny, elle, est plutôt radicale. Was quite radical. C'est une activiste. Elle fait partie du mouvement Jeune Allemagne, un groupe de jeunes écrivains très radical. Elle porte le tricolore aux couleurs françaises dans ses cheveux. And she could speak English, which. Elle parle anglais, à la différence de Marx, qui ne l'a appris que plus tard. Jenny parle anglais, français et allemand. Jenny Marx was immensely et Jenny est extrêmement érudite, elle est très cultivée. Son intérêt pour la littérature et les langues est antérieur à celui de Marx. C'est elle qui l'incite à lire Racine et Shakespeare. Into liking Shakespeare and Racine and so on from her. Lorsque Marx part de Trèves après son bac pour ses études, il a 17 ans. Dann ließ er das alles hinter sich erst einmal. Il s'éloigne de tout un monde. Kam aber dann eben ein Jahr später oder in Ferien zurück. Quand il revient un an plus tard, begegnete il renoue avec cette amie d'enfance wieder, et il tombe amoureux de Jenny von Westphalen dann, sehr schnell, très rapidement et très intensément. Jenny von Westphalen, die vier Jahre älter war Jenny als a 4 ans de plus que lui. Er war ein Jüngling von 17, Marx est un jeune garçon de 17-18 ans. Jenny, elle, a déjà une vingtaine d'années, ce qui au 19e siècle est considéré comme un âge adulte. A young Karl Marx. Le jeune Karl Marx est encore en culotte courte. C'est dire s'il est jeune lorsqu'il rencontre la très séduisante Jenny von Westphalen. Jenny von Westphalen, who was the very glamorous older than him daughter. La fille du meilleur ami de son père, âgée de quelques années de plus que lui. And he was completely captivated with her. Et il est absolument fasciné. And rapidement, Marx part faire ses études à l'université et lorsqu'il revient pour les vacances, il n'est plus le même. Il a une barbe, de la confiance en soi et des pantalons. Mais la compétition est rude car Jenny est un très bon parti. Marx est sous le charme. Il veut la séduire, mais Jenny a déjà autour d'elle toute une cour de prétendants, dont plusieurs soldats en uniforme. Lors d'un bal, Jenny boit un peu trop de champagne et accepte la demande en mariage d'un jeune officier qui espérait bien lui mettre le grappin dessus. Une fois dégrisée, Jenny en parle à son père et ils décident ensemble qu'elle va poliment refuser l'offre et rejeter toute la faute sur le champagne. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle ressent quelque chose pour Marx, qui est déjà fou d'elle. D'après tous les témoignages de l'époque, Jenny était considérée comme une véritable beauté. C'était la reine du bal de Trèves, comme la surnommera plus tard Marx dans une magnifique lettre d'amour. Jenny aussi tombe amoureuse de Marx, dont l'intelligence hors du commun est déjà éclatante. Karl Marx zu Jenny von Westphalen war sicherlich l'histoire d'amour qui naît entre Marx et Jenny était certainement quelque chose d'inhabituel pour l'époque. Jenny était noble et Marx ne l'était pas. Mais surtout, elle était plus âgée que lui, ce qui pour des jeunes amants était très rare au milieu du XIXe siècle. Quant aux origines juives de Marx, elle aurait pu jouer un rôle dans les cercles aristocratiques conservateurs, mais certainement pas dans leur milieu libéral. C'était, quoi qu'il en soit, le grand amour. Je vais mettre des gants. Katia Wollenberg. C'est la collection de chants populaires que Karl Marx a réunie pour Jenny von Westphalen. Il les a copiés à la main. Lied für Lied, Strophe für Strophe. Chanson après chanson, strophe après strophe, de sa plus belle écriture. Volkslieder, die er für sie zusammengetragen hat, aufgeschrieben. Le recueil est très joli. Und in einem avec son lettrage doré sur la couverture. In Goldschnitt gefertigt ist mit einem originalen Einband, der ist original erhalten. Sa reliure d'origine. Ich meine, ich lese hier was mit Rose. Là, une question de rose. Très charmant. Oh, das ist natürlich ein großer Liebesbeweis. C'est une grande preuve d'amour. Die Mühe, die er da reingesteckt hat. Marx a mis beaucoup de soin à copier ce recueil à la main. Ihr zu widmen und sicher auch in der Auswahl der einzelnen Lieder steckt ja jeweils auch ein kleines Stück von seinem Herz dabei. Et dans chaque chanson qu'il a choisi, c'est un petit bout de son cœur qui parle. La période romantique, c'est aussi celle du voyage romantique, quand le chemin de fer n'avait pas encore conquis le monde et imposé sa vitesse. Après avoir passé son bac, Karl Marx, alors âgé de 17 ans, prend le bateau de Trèves à Coblenz pour se rendre à Bonn. C'était un voyage romantique sur le Rhin, même si c'était la manière habituelle de se déplacer à l'époque. Bonn était une petite ville qui, comme Trèves, avait longtemps été sous domination française. Elle était la première ville de la province rhénane à s'être dotée d'une université déjà réputée pour son enseignement de la littérature romantique. Cette université comptait parmi ses professeurs August Wilhelm Schlegel, qui était non seulement le grand théoricien du romantisme, mais également l'inventeur de l'indologie. Marx va très vite assister à ses cours. Voilà. Donc. Jacques Paparot. Ce que je vous montrerai maintenant, c'est très exceptionnel. Ce sont des poèmes, enfin, Gedichte, la poésie qu'elle a écrite et a fait cadeau à son père quand, à l'âge de 17 ans. Celui qui a écrit, vous voyez l'écriture, c'est très dur à déchiffré. Il a un Marx complètement différent qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas le scientifique, ce n'est pas l'idole. C'est un jeune homme très romantique, en quelque sorte naïf, qui a mis sur papier des trucs que de nos jours personne n'écrira. Celui-là, je le trouve très sympathique. Très sympathique, bien que ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a pu faire un chemin dans la littérature. Oha. Deine Lichtlein. Petite lumière. Deine braunen Lichtlein, die Augen offenbar. Petite lumière noire, la lumière de ses yeux, j'imagine. Blinken. Scintille. Die gleiche zusammen. Ensemble. Wenn, oh, es ist wirklich, wirklich ist schwer. Très difficile. Es ist auch sehr klein. C'est vraiment écrit tout petit. Sehr, sehr klein. Tout petit. Oh, voilà. Waldquell. Lies immerhin ein Waldquell, das ist doch hübsch. Une source dans la forêt. Je lis quelque chose comme ça. Une source dans la forêt. Hier ist von Nächten die Rede. Ich glaube, ich habe auch irgendwo einen Mond gelesen. Genau. Ici, ça parle de nuit. Mond, irgendwas mit Mondschein. La de lune. Traum haben wir hier. Ici de rêve. À mon cher père, une marque trop légère de mon éternel amour. Meinem teuren Vater als schwaches Zeichen ewiger Liebe. Schöpferähnlich strömten Flammen, rieselnd mir aus deiner Brust, hochweit schlugen sie zusammen und ich nährt sie in der Brust. Strahlend stand dein Bild wie Äols Klingen, deckt die Gluten sanft mit Liebesschwingen. Pareil au Créateur, des flammes jaillirent pour moi en un flot continu s'écoulant de ta poitrine, du haut du ciel immense, elles s'abattirent, et j'ai nourri ce feu dans mon propre sein. Ton image se dressa, brillante comme les épées d'Éole, et doucement, avec les ailes de l'amour, recouvrit ce brasier. Als der innere Kampf sich nun geschlichtet, blick ich, Schmerz und Lust im Lied verdichtet. À présent que ce combat au fond de moi s'est achevé, je vois que souffrance et plaisir se sont transformés en poème. Zu seiner Zeit waren eigentlich zwei Konzeptionen Michael Heinrich zur Verfügung. Das eine war Schillers ästhetische À l'époque du jeune Marx, il existait deux conceptions différentes de la poésie. Und das andere war die celle de Friedrich Schiller, écrivain et penseur, avec ses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, bei Novalis oder beim frühen Schlegel, et celle que défendaient les poètes du premier romantisme allemand, comme Novalis ou Schlegel. Da nun bei Marx kein starker Bezug zu Schiller da ist, Marx n'était pas particulièrement sensible poétisch, à Schiller. Aber viele Figuren der frühen Romantik bei ihm eine Rolle spielen. Sa poésie était plutôt inspirée par les grandes figures du premier romantisme. Marx partageait les idées de Novalis sur la poésie. C'est du moins ce que je pense, mais ce n'est qu'une supposition. C'est-à-dire une poésie conçue comme poétisation du réel. Über Poetik Wirklichkeit verändert comme une transformation de la réalité par le biais de la poésie. La différence du jeune Marx, le jeune Engels ne va pas avoir un parcours d'étudiant de même nature. C'est plutôt quelqu'un qui va avoir un parcours un peu de dilettante. Il va s'intéresser à la poésie. Il s'intéresse aussi à la musique. C'est un amateur de pergolèse, hein, notamment. Il va combiner en quelque sorte ses approches avec sa formation de jeune apprenti industriel, hein, finalement, puisqu'il est issu d'une famille d'industriels de Wuppertal, hein, industrie textile. But Engels was also, and it's an important part of his character, a romantic. Engels était aussi un romantique. C'est un trait important de sa personnalité. Tristram Hunt. And he was infused with the romantic spirit which emerged at that time. Il était très empreint de cet esprit romantique qui émerge à l'époque. And so we also see him choosing the name Oswald as a nod to some of the great. Il se choisit d'ailleurs le pseudonyme d'Oswald, un clin d'œil au grand thème romantique. He's a much more flamboyant, vivacious. Engels était vraiment quelqu'un de très flamboyant, de vif, d'intéressant, avec des capacités intellectuelles inouïes. Que ce soit en poésie, en musique ou en littérature. Marx et Engels sont nés à quelques années d'écart et ont tous deux grandi en Rhénanie. Marx est issu d'une lignée de rabbins dans une famille bien plus créative et désordonnée que celle d'Engels, qui a grandi dans la tradition austère, puritaine et industrieuse des calvinistes. He is from a textile manufacturing family. Engels vient d'une famille de fabricants de textiles. In the confines of Wuppertal, qui mène une vie étriquée et guindée au fin fond de la vallée de la Wupper, en Rhénanie. Friedrich Engels est donc le fils aîné d'un fabricant de textiles de Barmen, geboren worden in Wuppertal, Barmen, dans la vallée de la Wupper. Eberhard Illner. Der Vater, der in einer ganz langen Reihe von Son père était issu d'une longue lignée d'entrepreneurs implantés dans la région. Sehr stark geprägt wurden. Religieux, ils étaient très religieux, piétistes. Das ist ja nun eine besondere Situation. C'était une situation assez unique, car la vallée de Wuppertal était une sorte d'enclave protestante en territoire catholique. Dans cette enclave, on était strictement protestant, calviniste, réformé, luthérien. Das Geld, was verdient wird. Und man verdiente gut, on gagnait de l'argent et on en gagnait beaucoup parce qu'on ne faisait que travailler en vertu de la fameuse théorie de la prédestination. La volonté de Dieu se réalise dans le travail, on la reconnaît à ses fruits. Et cet argent, on le réinvestissait immédiatement dans l'usine. La vie, c'était l'usine. Et so ist Friedrich Engels eben aufgewachsen in einer. Friedrich Engels a donc grandi dans une sorte d'usine-colonie. So, und jetzt kommt der Junge, en 1837, 1837, son père, contraint de créer une joint venture en Angleterre, an dem Tag meldet er seinen ältesten Sohn le retire de l'école sur le champ. Alors qu'il lui restait encore 2 ou 3 ans avant de passer le bac. Nun wollte der Junge aber. Et que le jeune Engels voulait étudier la philosophie et la littérature. À l'époque, tous les jeunes gens voulaient faire comme Heinrich Heine. Heine était le grand modèle. C'était un écrivain élégant, pétillant. Das wollte auch der Engels. Engels rêvait de faire pareil, et il avait déjà un certain talent pour l'écriture. Mais son père lui dit, ça suffit comme ça, tu seras commerçant. Et là, c'est comme si sa vie était finie. On le sent bien dans ce qu'il écrit à l'époque. Il y a ce texte satirique, les fameuses lettres de Wuppertal, où le jeune Engels règle ses comptes avec sa ville d'origine et le mode de vie étriqué des piétistes. Friedrich Engels entretenait certainement une relation compliquée avec son père et bien plus chaleureuse avec sa mère. Mais pour l'époque, dans ce genre de milieu, il n'était pas extraordinaire qu'un père exige de son fils qu'il reprenne l'affaire familiale, qu'il vive en bon protestant et qu'il suive le chemin de Jésus. C'était dur, certes, mais certainement pas exceptionnel. Engels était fils à papa et détestait son père. Sébastien Spitzer. Son père était l'image de cet homme protestant, pieux, pour qui l'argent était une façon de s'accomplir, hein, pour gagner la bienveillance divine. Hein, c'est ça, hein, il faut réussir sa vie, gagner de l'argent. Et pour Engels, il y avait ce paradoxe-là, c'est celui de se mettre dans les pas de son père, qu'il détestait, et de mener sa propre vie. C'est tout le contraire de Karl Marx. Karl Marx était fils d'avocat, aimé par son père, mais il va vivre sa vie. En travaillant sur Marx, j'ai découvert l'extraordinaire importance de son père. Et cet attachement à son père me paraît très important pour comprendre le personnage. Karl Marx est, aus meiner Sicht, nicht zu denken ohne die Menschen um ihn herum. On ne peut pas séparer Karl Marx de ses proches, die für ihn wichtig waren, de ceux qui comptaient pour lui. Sein Vater, Beatrix war ein wohl sehr verständnisvoller, le père de Marx était un homme très compréhensif, qui avait su reconnaître très tôt les dons de son fils, und der ihn förderte Il l'a constamment encouragé, mais il s'est fait du souci pour lui toute sa vie. C'est ce qui me touche le plus dans cette relation. Un père qui rappelait son fils à l'ordre, mais qui essuyait toujours ses dettes. Un père qui espérait que son fils embrasse comme lui la carrière du droit et puisse gravir comme lui les échelons de la bourgeoisie cultivée. C'était, je pense, ce que le père de Marx imaginait pour son fils. Mais le fils a suivi un autre chemin. Marx a commencé ses études de droit à Bonn, puis à Berlin, pour faire plaisir à son père. Mais il a très vite fait d'autres choses en parallèle. Il a suivi des séminaires de discipline qui l'intéressaient davantage. Et il s'est mis à écrire des poèmes et des pièces de théâtre. Le père voyait tout cela d'un mauvais œil et il essayait sans cesse de remettre son fils sur le droit chemin. Mais contrairement à ce que font la plupart des pères, il a rarement menacé de lui couper les vivres. Il a préféré espérer. Cet espoir était vain. Mais le père de Marx ne l'a jamais su, car il est mort très tôt. Marx n'aime pas gagner d'argent, mais il aime bien le dépenser. Donc quand il est étudiant, il fait la fête, il dépense l'argent. D'ailleurs, son père lui reproche, sa mère lui reproche, il est toujours tendu avec ça. Et ensuite, il va se trouver en situation de vivre au crochet de quelqu'un, toujours. Ça sera évidemment Engels qui va être le principal pourvoyeur, mais sans véritablement attacher de l'importance à l'argent. C'est un panier percé. Il consomme l'argent en permanence, pourtant il le déteste. Il consomme cette matière, l'argent qui permet tout, mais ne fait rien pour en gagner. Il va le chercher chez les autres. Karl Marx, il vit sur un grand pied dès qu'il en a l'occasion. Karl Marx était officiellement inscrit en droit, comme le voulait son père. En réalité, il suit plutôt des cours de mythologie grecque ou de littérature, et il profite surtout de la vie étudiante. Ses journées consistent essentiellement à chanter, à boire et à se bagarrer. Il y a même une anecdote selon laquelle Marx aurait passé un jour au cachot, dans les cachots de l'université, ce qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un détail assez amusant d'ailleurs, on va faire un peu de philologie. Karl, c'est Kerl, gaillard, l'homme au sens un peu, je ne sais trop comment dire, pesant du terme. Alors il fait le gaillard, c'est une période de sa vie. Un Jahr verbrachte Karl Marx in Bonn. Marx reste une année à Bonn, puis à la demande de son père, il part étudier à l'université de Berlin. Marx a bien profité de cette année à Bonn. Il a vécu constamment au-dessus de ses moyens. De retour à Trèves pour les vacances, il se fiance avec Jenny von Westphalen et part pour Berlin. Il change donc d'université à la demande de son père, qui pensait qu'on travaillait plus sérieusement dans la capitale prussienne qu'en Rhénanie. Mais s'il accepte de continuer le droit pour faire plaisir à son père, Marx plonge très rapidement dans la vie berlinoise. La vie de Karl Marx à Berlin, d'après ce qu'on croit savoir, c'était l'alcool et les excès de rue, puisqu'on a des documents qu'il était puni pour excès nocturne. Manfred Flüge. En fait, il ne reste qu'une seule adresse de Karl Marx. Luisenstraße 60. Mais c'est pour se faire une idée du Berlin de l'époque de Karl Marx, des années 40 et 19e, donc. Il faut aller voir la Marienstraße, non loin de Bahnhof Friedrichstraße, Marienstraße, qui est une de mes rues préférées, parce que ça donne vraiment une idée du très vieux Berlin. Il y a des maisons de 3 étages ou de 4 étages, ce qui est plutôt rare dans Berlin. Vous avez le pavé, les fameuses Schlesische Platten, qui étaient des pierres carrées qui servaient à couvrir les trottoirs. À l'époque de Marx à Berlin, les trottoirs n'étaient pas encore fixés et on n'avait pas encore le droit de fumer dans la rue. Il a fallu la révolution de 1848 pour que les citoyens berlinois obtiennent le droit de fumer en public. Et à l'époque, c'était la première grande époque de Berlin comme cité de la pensée allemande. Hegel était mort en 1932 et enterré au fameux cimetière Dorotheenstädtischer Friedhof, où reposent aussi d'autres penseurs comme Fichte. On appelle Berlin à l'époque Spree-Athènes. Il y a 3 grandes questions qui agitent le Berlin intellectuel universitaire de l'époque. La première question, c'est la question de la nation, qui n'est pas faite alors qu'elle devait être faite après la victoire contre Napoléon. Johann Chapoutot. La deuxième question, c'est la question des libertés. C'était l'autre grande promesse de la guerre contre Napoléon. On se mobilisait en masse contre l'envahisseur français pour aboutir à une unité nationale, mais une unité nationale libérale avec une constitution qui soit garante des libertés. Et bien, cette constitution n'a pas été octroyée par le roi de Prusse. Et la troisième question, c'est la question sociale quand même, hein, parce que dans les années 1830-1840, il y a à Berlin spécifiquement un prolétariat urbain qui commence et qui se forme et qui est issu de l'exode rural, de l'émigration des campagnes. Et donc à Berlin, s'est concentrée une population pauvre, prolétarisée, et qui constituait la main-d'œuvre d'une industrie notamment mécanique, une industrie lourde, les chemins de fer, hein, les usines Borsig par exemple, à Berlin. Et ça, Marx en est le témoin dès les années 1830. Karl Marx part étudier à l'université de Berlin. Une université qui a la réputation d'être sérieuse et progressiste. Elle est assez récente, mais a déjà une certaine renommée et elle attire beaucoup de jeunes gens grâce à de célèbres professeurs. Le plus célèbre d'entre eux à l'époque était Hegel, un philosophe dont l'influence dépassait les frontières de la Prusse. Il était déjà décédé lorsque Marx est arrivé à l'université. Marx a donc connu certains de ses élèves, mais il n'a pas suivi ses cours. Heinrich Heine, lui aussi, a fait des études à Berlin, bien avant Marx, un des rares à avoir assisté aux cours de Hegel. Et il y a une description de Heine que Hegel, quand il était en train d'énoncer ses textes un peu compliqués, regardait par-dessus l'épaule pour s'assurer qu'on le ne comprenait pas, parce qu'il avait peur que la censure prussienne le comprenne trop bien et s'en prenne à lui. Mais en fait, il n'y avait pas de risque de ce côté-là. À Berlin, où Marx commence par étudier le droit, il y avait de très grands juristes qui s'intéressaient eux aussi à la pensée de Hegel. Hegel devient donc rapidement un sujet central dans le travail et les réflexions de Marx. Quand Marx arrive à la philosophie hegelienne, ça n'est pas seulement Pauline Clochec. Assumer une doctrine philosophique, c'est entrer dans certains réseaux de sociabilité. Parce que l'hégélianisme à l'époque, c'est plus qu'une philosophie, c'est aussi une école. Die Schulen, die sich an Hegel anlehnten, l'école qui se revendiquait de Hegel, zerfielen in zwei Strömungen, était divisée en deux courants, les Hegeliens de gauche et les Hegeliens de droite. Die einen sozusagen waren staatskritisch, les premiers critiquaient l'État et les seconds le soutenaient. C'était essentiellement ce qui les séparait. Marx rejoint les Hegeliens de gauche, die sich, wöchentlich oder regelmäßig le fameux trafen, Doctor Club, in einem sogenannten Doctor Club, das le waren club einfach des docteurs, oder Wirtshäuser, qui se réunit chaque semaine dans des bistrots ou des auberges pour discuter. Le jeune Friedrich Engels fait son service militaire à Berlin, mais il se lasse rapidement des terrains de manœuvre et de la vie de soldat. Il préfère se plonger dans le monde obscur des bars et des tavernes. Et surtout, il entre en contact avec le cercle philosophique des jeunes Hegeliens. Engels aurait pu entrer immédiatement dans le commerce. Mais non, il a voulu se payer la tête de son père une dernière fois. Il voulait étudier. C'est pour cela qu'il se rend à Berlin où il s'engage dans l'artillerie. À Berlin, il habitait dans la Friedrichstrasse. Il y a encore une petite plaque sur la maison. Ce n'était pas loin de l'université Friedrich Wilhelm, où Engels allait assister au cours de Schelling en uniforme militaire. Schelling était le grand disciple de Hegel. C'est par ce biais-là qu'Engels est entré en contact avec les jeunes Hegeliens. Un cercle assez large de jeunes intellectuels, dont faisaient partie Max Stirner, Feuerbach et bien d'autres, et dont Marx n'était pas la figure principale. Marx et Engels ne se connaissaient pas encore. These were the left-wing apostles of ces jeunes Hegeliens de gauche who took Hegel's ideas poussaient les idées de Hegel dans une direction bien plus radicale. Et, point très important, il s'appuyait sur la critique hegelienne de l'histoire pour critiquer la religion organisée. Il importe de le souligner, car Marx et Engels sont venus au socialisme par la critique du christianisme et de la religion. Et dans les deux cas, ce sont les jeunes hegeliens qui leur ont permis de faire ce pont. Und man diskutiert da eben les jeunes Hegeliens discutaient de tout. Gesellschaftlichen Zustände, die Religion, ils discutaient de société, de religion, de philosophie. Weil es immer auch eine mais toutes ces discussions avaient pour toile de fond un État prussien qui devenait de plus en plus conservateur. Das heißt, alle Auseinandersetzungen waren immer c'est-à-dire que tous leurs débats avaient une dimension politique, mais que celle-ci ne pouvait s'exprimer que par un biais indirect, par la critique de la religion ou la critique littéraire. À l'époque, il était en effet quasiment impossible de formuler une critique autrement que de manière indirecte. Il y a vraiment eu un mouvement jeune hegelien, des auteurs qui sont des jeunes étudiants, pas forcément tous docteurs, plutôt des têtes brûlées, assez libéraux politiquement, toute une sociabilité de gens qui se citaient les uns les autres, se lisaient les uns les autres, soit pour s'allier, soit pour se critiquer. C'est dans cette scission jeune hegelienne que Marx a vraiment commencé à faire ses armes théoriques. Avant, il est étudiant, il fréquente les gens, il boit des schnapps avec les gens, il écrit ses carnets d'étudiants, il essaye de publier ses poésies, ça marche pas très bien évidemment, vu leur qualité. En 1837, Marx n'a que 19 ans. On ne peut tout de même pas s'attendre à ce qu'il soit un jeune Goethe, un jeune Schiller ou un jeune Heine. Michael Heinrich. On sait que le jeune Marx écrivait des poèmes. Er studiert Jura, aber eigentlich hat ihm eher so eine Karriere. Il faisait des études de droit, mais il rêvait plutôt d'une carrière de poète. Und der erste Bruch, der sich vollzieht, ist, dass er sich von l'abandon de ce rêve a été un moment absolument déterminant pour lui. Verabschiedet. Pourtant, im überwiegenden Teil der très peu de biographes s'y attardent. Kurz erwähnt, manche erwähnen et la plupart ne le mentionnent même pas. On considère en général ce passage par la poésie comme la lubie d'un adolescent qui se rêvait poète et qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas le talent. C'est Franz Mehring, son premier biographe, qui a créé cette légende d'un Marx dénué de tout talent poétique. Fehlende eigene Talent in die Welt gesetzt hat. Ja, danke. So, also hier haben Sie den. Voilà la célèbre lettre de confession du jeune Marx. Kenntnisbrief des jungen Marx vom November. De novembre 1837. Cher père, il est dans la vie des moments qui sont comme des bornes frontières, dressées au terme d'une époque révolue, mais qui du même coup indiquent nettement une direction nouvelle. En de semblables occasions, l'individu devient lyrique, car toute métamorphose est à la fois un chant du cygne et l'ouverture d'un poème nouveau, qui s'efforce de prendre forme sous des couleurs éclatantes, mais encore indécises. Où cette vie désormais vécue trouverait-elle un asile plus sacré que dans le cœur de ses parents, ce cœur qui est le plus indulgent des juges? Ja, das ist eins der ersten wichtigen Dokumente. Un des premiers documents de la vie étudiant de Marx. Michael Kretke. C'est une drôle de lettre qui est écrite dans les pages d'un cahier d'études, un cahier d'école. C'est tout plein de textes, c'est une douzaine de pages. Et un document où il explique à son père d'une façon assez détaillée le cours de ses études, les professeurs qu'il a vus, les cours qu'il a suivis, les travaux qu'il a commencés, et parle aussi de ses ambitions, de ses plans, de ses projets pour le futur. Dans la lettre du 10 novembre 1837, il dit à son père qu'il va abandonner finalement sa carrière, son ambition de poète. Il dit à son père que, au fond, la philosophie va être le nouveau domaine dans lequel il va choisir de s'investir. Jean Quétier. C'est un texte qui est assez décisif pour comprendre un peu la crise personnelle et intellectuelle que Marx traverse à cette époque. Et c'est aussi un document qui nous permet de voir à quoi ressemble ce vecteur de communication absolument décisif pour Marx, qu'est la lettre, de manière générale, la correspondance. Et c'est une caractéristique qu'on retrouvera très fréquemment dans sa correspondance, puisque la correspondance, c'est quelque chose qui n'a rien d'anecdotique, hein, dans le cas de Marx. C'est quelque chose, au contraire, qui constitue un véritable laboratoire théorique pour découvrir sa pensée à l'œuvre. Quand on analyse de plus près cette lettre du 10 novembre 1837 que Marx adresse à son père, da spricht Marx an keiner einzigen Stelle davon, dass er kein Talent habe. On voit bien qu'à aucun moment il n'est question d'un manque de talent. Er sagt in den letzten Gedichten, au contraire, da sei ein bisschen was il dit qu'une lumière a jailli dans ses derniers poèmes, fest, que quelque chose s'est éclairé. Das heißt, il a fait des progrès. Es geht überhaupt nicht um Talent. Es geht ce n'est pas du tout une question de talent, was mais de ce qui peut ou ne peut pas être exprimé à travers la poésie. Und was man nicht damit ausdrücken kann. La poésie lyrique devait être mon premier dessin. À la fin du semestre, je me suis remis à taquiner le chœur des muses et à m'exercer à la flûte de Pan. Et comme par un coup de baguette magique, le royaume de la vraie poésie m'est apparu, réduisant toutes mes créations en poussière. Un voile est tombé, mon saint dessein est en pièces, il me faut établir de nouveaux dieux. J'ai appris à connaître Hegel d'un bout à l'autre, et je m'attache de plus en plus solidement à cette philosophie d'aujourd'hui, à laquelle j'avais pensé échapper. mais toute musique s'est tue en moi. Pardonne, cher père. Il est près de 4 heures, la chandelle est consumée et je n'y vois plus. Ton fils qui t'aime à tout jamais, Karl. Marx, le jeune homme, avait beaucoup de respect pour son père et pour sa mère, et il était fils extrêmement obéissant. Donc quand son père l'a envoyé faire des études à Berlin, il a fait des études de droit comme son père le voulait. Et puis, à un moment, il ne voulait plus faire ça, il voulait être professeur de philosophie. Et il a écrit, en particulier une lettre très importante, qu'il écrit à son père pour lui demander, sur la pointe des pieds, « Cher père, je t'obéirai tout le temps, mais j'ai plus envie de faire du droit, j'ai envie de faire de la philo. » Sa tendance refuse, et son père lui répond beaucoup plus tard. Une lettre extraordinaire qui m'a toujours bouleversé, dans laquelle il va lui dire son accord pour qu'il change d'études. Le père de Marx, qui était déjà très malade à l'époque, lui a répondu dans une lettre assez courte. Marx était à peu près parvenu à convaincre son père qu'il avait fait le bon choix. Voilà la lettre. Da. Götz Lankau. On voit bien que c'est l'écriture d'un homme malade. Die Handschrift des dann schon ziemlich kranken Vaters. D'après la sœur de Marx, c'était la première fois depuis longtemps que le père avait réussi à se lever de son lit. Nach langer Zeit, so schreibt die Schwester, pour aller s'asseoir à son bureau aus seinem Bett aufgestanden und hat sich et écrire cette lettre à son fils. Sohn geschrieben. Und dann setzt also die et on voit là que la mère de Marx a ajouté un feuillet avec quelques mots très affectueux et maternels à la fin. Liebende Seite dahinter. C'est la fin de cette lettre. Ils ne se reverront plus, puisque son père va mourir quelques jours plus tard, et cette lettre va l'accompagner tout le temps. Donc la mort de son père est à la fois une libération, puisqu'il se trouve seul, avec la bénédiction de son père pour faire ce qu'il veut, et l'encouragement aussi, puisque les derniers mots de son père sont sublimes sur ce point. Je fais totalement confiance à ton cœur et à ta moralité, va l'accompagner tout le temps. J'ai lu des fragments de la philosophie de Hegel. De dépit, j'ai été quelques jours tout à fait incapable de penser. J'ai couru comme un fou dans ce jardin qui borde l'eau sale de l'Achepret, qui lave les âmes et délave le thé. J'ai brûlé tous les poèmes. Une sentimentalité prolixe et informe, rien de naturel. Toute réalité s'estompe, une sorte de monde lunaire, juste le contraire de ce qui est et de ce qui doit être. Il s'agissait d'une poésie idéaliste. Et que fait Marx dans cette lettre? Il critique ses propres poèmes. Il les juge idéalistes. Il leur reproche d'être écrits sans naturel, comme ce qui devrait être, et non comme ce qui est. Michael Heinrich. Pourquoi une telle remise en question? Si l'on regarde d'un peu plus près les arguments utilisés par le jeune Marx dans sa critique de l'idéalisme, on constate qu'ils sont déjà présents chez Hegel, notamment lorsqu'il évoque la belle âme dans la phénoménologie de l'esprit. Dans l'un de ses poèmes, il parle même de lire prochainement l'esthétique de Hegel. Et ce que Marx découvre chez le philosophe allemand, c'est une critique du romantisme, une critique à laquelle il ne peut rien opposer. Also diese schöne Seele, die zur Welt will, Jean Marx se sent personnellement visé. Sich beschmutzen will mit der Welt, die immer zurückhaltend sein will. Cette belle âme qui aspire au monde mais ne veut pas s'y salir, qui reste toujours en retrait, cette belle âme, c'est lui. Er kann dem Hegel, Marx ne peut rien opposer à la critique de Hegel, intellectuellen Mitteln nicht entrinnen, du moins pas avec les moyens intellectuels dont il dispose à l'époque. Politisch poétologisches il interrompt donc son projet poético-politique. Nicht mehr möglich, und das ist für mich die Ursache. Pour moi, elle est là la raison qui fait que Marx renonce à devenir poète. Ce n'est pas parce qu'il manque de talent. C'est parce qu'il comprend, grâce à Hegel, que ce qu'il visait à travers la poésie n'était qu'une illusion. Und stattdessen wendet sich Hegel zu. Marx se plonge alors dans l'étude approfondie de Hegel. Und kommt auch in diese junghegelianischen et rejoint les jeunes hegeliens. Das waren ces années ont été des années de formation pour Marx, in denen er sein et lui ont permis de former son esprit etwas entwickelte, was man die Dialektik nannte, et de développer une pensée dialectique qu'il a apprise chez Hegel et conservée toute sa vie. Und insofern waren die Berliner ces années d'études à Berlin ont vraiment été fondamentales dans la formation de l'esprit de Marx. Elles l'ont durablement marqué. Et même si la question de l'économie deviendra plus tard l'un de ses grands sujets, il restera toujours un dialecticien, le philosophe qu'il était devenu à Berlin. On ne peut pas lire Marx sans être frappé par le fait qu'il le dit, et c'est la vérité, il a une démarche logique particulière. Lucien Sèvres. Cette démarche, c'est la dialectique. C'est-à-dire, disons rapidement, la dialectique, c'est la logique de la contradiction. Si on met le nez dans la science de la logique de Hegel, un livre d'un millier de pages, dont on ne peut pas dire que la lecture soit facile. Chose étrange. Comment l'être et le néant peuvent-ils être la même chose? Eh bien, ils peuvent l'être dans la mesure où on considère la chose dans son mouvement logique. C'est-à-dire dans la mesure où nous considérons que l'être devient néant, autrement dit qu'il disparaît. Que le néant passe à l'être, autrement dit qu'il apparaît. Et si nous considérons le mouvement constant de la disparition et de l'apparition, alors nous comprenons l'unité de l'être et du néant comme un mouvement, comme un processus qui s'appelle le devenir. Voilà, très schématiquement, le premier moment de la science de la logique selon Hegel. C'est de là qu'on peut partir, si l'on veut, pour définir la dialectique comme la logique de la contradiction. Donc Marx s'approprie la logique hegelienne. Il y a une contradiction, mais qui, selon Hegel, se réconcilie. Et lisant de manière critique la philosophie politique de Hegel, Marx est en désaccord total. Il n'y a pas de conciliation d'une telle contradiction possible. C'est l'un ou l'autre. Marx ne peut pas accepter cette idée hegelienne que toute contradiction se résout. Il est un jeune contestataire d'humeur révolutionnaire. Il découvre qu'il y a des contradictions irréconciliables, ce qui n'a pas de place dans la dialectique de Hegel, et qui donc exige une transformation de la dialectique, un élargissement de la dialectique. Hegel en a découvert une modalité fondamentale. Les contradictions qui se réconcilient, les deux termes contraires qui fusionnent en un nouveau terme supérieur. C'est un type de logique dialectique. Marx en a mis en évidence un deuxième. Les contraires qui sont inconciliables, qui sont incompatibles, et de sorte que leur lutte se termine inévitablement par l'élimination de l'un et l'émancipation de l'autre. Ça, c'est la logique révolutionnaire. Pour moi, ça a été une impulsion capitale à la réflexion sur la dialectique. Le jeune Marx, c'est un personnage incroyable, bouillonnant. Isabelle Garraud. D'intelligence, d'énergie, de capacité à comprendre, d'esprit polémique. aussi. De ce point de vue-là, la discussion que le jeune Marx va avoir avec Hegel est très importante, parce qu'Hegel envisageait un état rationnel permettant une organisation harmonieuse et juste de la société. Et Marx va très vite abandonner ce point de vue hegelien et le critiquer de manière très précoce, en considérant que l'État n'est pas cet idéal-là. Quand Hegel écrit l'idée réelle, l'esprit, l'État se divise lui-même dans les deux sphères de son concept, la famille et la société civile, comme en sa finitude, pour devenir esprit réel et infini pour soi. Dans ce paragraphe est consigné tout le mystère de la philosophie hegelienne. Les éléments réels deviennent irréels. Ce sont deux pages parmi les plus lumineuses qui m'est jamais passé sous les yeux. Pierre Bergoglio. On est aveuglé, ébloui. On voit ce que c'est qu'une immense intelligence naissante à l'œuvre. Hegel ne peut pas imaginer que l'histoire ne soit pas le mouvement par lequel l'esprit, à travers mille vicissitudes, s'apparaît à lui-même et règne enfin sur la terre. L'esprit monde, le monde devenu philosophie, la philosophie devenue monde. Marx n'est pas un professeur extraordinaire, il ne le sera jamais. Il a déjà la cervelle bien déliée du haut de ses 24 ou 25 ans. Il lit, j'imagine, très très rapidement la philosophie du droit de Hegel, pointe immédiatement sa faiblesse et règle son compte à la philosophie du droit de Hegel pour en appeler à toute autre chose, c'est-à-dire à une philosophie de caractère matérialiste. Et c'est là qu'on trouve de ces formules inoubliables, la religion et l'esprit, des situations sans esprit, point, c'est l'opium du peuple, point. Voilà ce qui tombe de la plume d'un gamin de 25-26 ans qui vient de se colter avec une des philosophies les plus difficiles qui ait jamais vu le jour. Ce qui me paraît remarquable, c'est en effet un cheminement d'une puissance critique assez exceptionnelle. Assez exceptionnel. Si on lit Hegel, on se rend compte que critiquer Hegel, c'est pas une chose facile, parce que c'est vraiment un penseur très fort. Et Marx est l'un des rares à s'être élevé en tant qu'étudiant. Je parle du Marx des années 42-43, vous voyez. Il est né en 18, hein. Il a même pas 25 ans. Il est déjà en mesure de contester d'une manière extrêmement pertinente, extrêmement productive, la pensée politique de Hegel, et à travers sa pensée politique, jusqu'à sa dialectique. Alors, le jeune Marx, c'est aussi le jeune homme en colère. Il n'y a pas que lui à cette époque, mais c'est le jeune homme en colère face à un temps décalé, qui est celui de l'Allemagne, dans laquelle il est né, et la Prusse en particulier, qui est un état d'ancien régime, alors que la France a fait sa révolution depuis longtemps. Et dans ce pays bloqué, dans ce pays politiquement bloqué, marqué aussi par une culture francophile dans certaines parties de l'Allemagne, dans la région de la Rhénanie, eh bien se développent des courants politiques plus radicaux. La tradition qu'on va appeler jeune hegelienne, et qui est porteuse, Marx appartient à ces courants au départ, hein, et qui est porteuse d'une critique qui va tendre à se radicaliser de cet ancien régime avec des revendications qui vont beaucoup plus loin que simplement le suffrage universel, des revendications de justice sociale, des revendications de démocratie vraie, dira John Marx. Et tout ce bouillonnement va se retrouver tout au long de son œuvre comme étant vraiment le point de départ et le soubassement de toute sa réflexion sur la politique. Ce climat particulier était généré par toutes sortes de revendications politiques et par la soif d'une plus grande liberté culturelle. C'est ce qui avait permis la formation d'une opposition qui agissait dans ce sens et publiait des textes dénonçant un régime prussien qui devenait de plus en plus réactionnaire. Une des figures les plus célèbres de l'époque était sûrement Heinrich Heine. Avec la force de son style, Heine formulait en poésie ce que d'autres tentait d'exprimer en politique. C'est certainement pour cela que Heine est encore lu aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait dire à certains que Heinrich Heine et Karl Marx avaient plus de choses en commun qu'ils ne le pensaient. Im düsteren Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben. Wir weben. L'œil sombre et sans larmes. Devant le métier, il montre les dents. Allemagne, nous tissons en linceul. Nous le tissons d'une triple malédiction. Nous tissons. Nous tissons. La Prusse dans laquelle Marx a grandi et fait ses premières armes théoriques et politiques à partir de la seconde moitié des années 1830, c'est la Prusse de l'époque que rétrospectivement on appelle le Vormärz, ce qui veut dire littéralement l'avant-Mars. Pourquoi avant-Mars ? Parce que la révolution de 1848 en Allemagne, le printemps des peuples, commence en mars par des émeutes à Berlin. Donc qu'est-ce que c'est que le Vormärz dans lequel grandit Marx ? C'est à la fois une période de bouillonnement pré-révolutionnaire, on est avant 48, de foisonnement d'idées nouvelles, d'idées politiquement subversives, les idées libérales, constitutionnalistes, mais aussi peu à peu le développement des pensées sociales, des pensées démocrates, socialistes, et peu à peu communistes et anarchistes. Et en même temps, c'est une époque de stagnation politique, d'espoir qui se heurte face à un blocage des institutions allemandes en général et prussiennes et autrichiennes en particulier, ce qui fait que il y a deux manières de réagir à un blocage de cette sorte-là. Soit on rentre dans le rang, soit on se radicalise, et Marx se radicalise. Parmi ce groupe d'intellectuels engagés, il y avait Bruno Bauer, jeune hegelien comme Marx. Bauer avait poussé si loin la critique de la religion qu'il s'était attiré les foudres de l'État prussien. Bauer avait pris Marx sous son aile pour qu'il travaille avec lui. Il voulait que Marx passe sa thèse et entame une carrière universitaire. Marx, très proche de Bruno Bauer. Bauer est son aîné. Bauer a déjà un poste, quoique précaire, à l'université. Bauer a déjà énormément publié. Donc Marx est un peu le second couteau, le porte-flingue de Bruno Bauer. Et avec lui, il cherche à développer une philosophie jeune hegelienne. Il écrit donc une thèse d'histoire de la philosophie sur l'atomisme antique et principalement sur Épicure, dans le but de devenir enseignant à l'université. C'est une thèse qui est tout à fait jeune hegelienne, c'est-à-dire chez une philosophie athée de la conscience de soi, et athée dans l'Allemagne, dans la Prusse de l'époque, qui connaît une religion d'État, qui est une provocation. Se dire ouvertement athée, c'est risquer la censure et risquer de ne plus pouvoir faire carrière dans la Prusse de l'époque. Et là, coup de théâtre, Bauer est viré de l'université. Et le renvoi de Bauer de l'université au début de l'année 1842, ça signifie pour tous les jeunes hegeliens, Marx compris, la porte de la fac vous est fermée. Ce qui fait que tous les jeunes hegeliens, qui sont des jeunes intellectuels entre 20 et 30 ans, se retrouvent tout d'un coup forcés de trouver un autre métier, d'autres moyens de vivre, et plus compliqué encore, d'autres moyens d'écrire et de diffuser leurs idées sans avoir l'assise académique pour cela. Trêve, le 10 août. Mon bichon, je me réjouis que ma lettre t'ait égayée. Tu te languisses de moi, que tu aies bu du champagne, il y a des clubs Hegel, que tu aies rêvé, bref, que tu sois à moi, mon amour adoré, mon bichon. J'ai lu de bon matin trois articles sur Hegel de ton Bruno et l'annonce de son livre. Tu aurais pu me complimenter un peu pour mon grec et consacrer à mon érudition un petit article élogieux. Et c'est ainsi que vous êtes, vous, messieurs les Hegeliens. Vous ne reconnaissez rien si cela ne va pas dans votre sens. À mon amour, voilà que tu te mêles à présent de politique. C'est bien ce qui peut le plus te faire rompre le cou, mon Karl. Adieu. Toi seul que j'aime. Alors, il faut évoquer la relation de Marx avec Jenny von Westphalen. Le couple que forment Karl et Jenny est, pour l'époque, assez inhabituel. Il faut avoir en tête que Jenny n'est pas du tout quelqu'un qui va jouer le rôle de femme au foyer, s'occupant des enfants et n'ayant aucun intérêt pour les questions théoriques et politiques qui vont occuper son mari. Ça n'est pas du tout le cas. Ça, on peut très bien s'en rendre compte à la lecture de la correspondance entre Karl et Jenny, puisque ça n'est pas que de la correspondance amoureuse traditionnelle, on va dire. Jenny, quelqu'un qui peut lire Hegel, par exemple. On verra que Jenny relit et retravaille certains manuscrits de textes tout à fait décisifs, comme le manifeste du Parti communiste, par exemple. Donc, on est assez éloigné d'un imaginaire un peu misogyne qu'on a pu plaquer sur cette relation-là. Jenny trouve le temps long. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Trèves pour une jeune fille à cette époque. Mais Jenny met à profit cette période de fiançailles pour accroître ses connaissances intellectuelles et tenter de se mettre au niveau de Marx. On a quelques lettres de sa main où Jenny demande à Marx quelques conseils de lecture. Elle se donne vraiment beaucoup de peine. Le reste du temps, c'est une jeune femme de son rang dont la vie consiste essentiellement à attendre, s'amuser et s'instruire un peu. Ce qui ne veut pas dire que Jenny était quelqu'un de frivole. Absolument pas. Elle avait une vraie soif de connaissance et c'était quelqu'un de très éduqué. Jenny a été la grande compagne de Marx. Ils étaient sans doute sur un même pied d'égalité. Marx et Jenny sont encore fiancés quand ils perdent tous les deux leur père. C'est pour eux le début des problèmes financiers. Comment se marier dans de pareilles conditions? Au bout du compte, leurs fiançailles auront duré 7 ans. Cette relation n'a posé aucun problème à la famille. Cela aurait pu être le cas car Marx n'avait pas d'argent. C'était une sorte de philosophe fou, d'étudiant ivrogne, avec des tas de cheveux et des tas de poèmes. On ne connaît aucun camarade que Marx aurait connu pendant ses années d'études à Berlin. Les seules personnes qui semblent l'avoir durablement marqué, ce sont celles qui fréquentaient le Dr. Klopp. Il y avait Bruno Bauer. Mais il y avait aussi ce personnage très important dont Marx était très proche et avec qui il s'est brouillé par la suite, Moses Hess. Moses Hess était originaire de Bonn. C'était un intellectuel issu du milieu juif orthodoxe de Bonn. Il s'était émancipé intellectuellement et était très tôt devenu communiste, bien avant Marx, au sens philosophique, mais pas encore politique du terme. Moses Hess soutient Marx après l'échec de sa carrière universitaire. Il le recommande à divers endroits. Si Marx peut se lancer dans le journalisme, c'est grâce aux contacts que Moses Hess a dans la presse. Et assez rapidement, la Rheinische Zeitung, un tout nouveau journal libéral financé par les grands bourgeois de Cologne, va proposer un poste à Marx grâce à l'intermédiaire de Moses Hess. C'est le moment où Marx fait sa véritable entrée dans la vie active. Les premiers articles qu'il publie prouvent déjà qu'il est un auteur brillant et doué d'un excellent sens critique. Il a un tel talent qu'il devient rapidement rédacteur en chef. Malheureusement, le journal sera très vite interdit. C'est un journaliste qui est assez apprécié par sa qualité de plume, y compris par ses adversaires, et c'est quelque chose qui vaut jusqu'à la dite maturité. Marx avait cette réputation d'être à la fois un génie prometteur, c'est Edgar Bauer, le frère de Bruno, qui l'appelait un génie prometteur lorsqu'il était jeune, et en même temps une réputation de velléitaire. C'est-à-dire que tous ses comparses à l'époque, Arnold Rougeux par exemple, lorsqu'il en parle dans sa correspondance, écrivent « Marx, oui, il est très prometteur, mais il nous promet, monts et merveilles, il nous promet des articles, des livres, et il ne les livre jamais parce qu'il se perd dans la bibliographie, il se perd dans la lecture de multiples ouvrages et dans d'autres nouveaux projets. » Donc Marx, effectivement, c'est un auteur qui a énormément écrit mais peu publié parce qu'il est dans cette expérimentation intellectuelle permanente et surtout c'est un auteur qui, à la fois politiquement et théoriquement, bouge très vite. Rheinische Zeitung, 25 octobre 1842. Débat autour de la loi sur les vols de bois. Le lecteur nous pardonnera d'abuser de sa patience et de sa persévérance, deux vertus qu'il nous a fallu pratiquer nous-mêmes en traitant de ce sujet. Pour s'approprier du bois vert, il faut le détacher violemment de son support organique. Attentat ouvert contre l'arbre, et à travers l'arbre, attentat ouvert contre le propriétaire de l'arbre. Quand il s'agit de bois mort, en revanche, rien n'est soustrait à la propriété. On en sépare ce qui est déjà séparé. Ramasser du bois mort et voler du bois sont donc deux choses essentiellement différentes. Si la loi appelle vol une action qui constitue à peine un délit, alors la loi ment et le pauvre est sacrifié à un mensonge légal. Vous ne forcerez jamais personne à croire qu'il y a crime quand il n'y a pas crime. En appliquant la catégorie vol là où elle ne doit pas l'être, vous l'exonérez là où elle doit s'appliquer. Un Rénan. Ce jeune Marx, c'est évidemment aussi le jeune Marx journaliste qui découvre la situation de misère des paysans rhénans, qui découvre la misère des tisserands silésiens, et qui, avant même de rencontrer le prolétariat, puisqu'il n'existe pas dans l'Allemagne de cette époque, avant même de rencontrer cette classe ouvrière, entrevoit l'importance, le rôle historique de ces catégories sociales, et notamment donc de ce qu'il appellera le prolétariat. Donc c'est cette découverte-là, cette espèce de conversion. On a Marx né dans un monde bourgeois, mais qui a le sentiment que la classe qui est motrice historiquement n'est pas la sienne. C'est cette découverte-là qui va être un moteur théorique extraordinaire. Il ne deviendra jamais officiellement rédacteur de la Gazette Rhénane, mais il jouera un rôle central dans l'équipe de direction, essayant un peu de ménager la chèvre et le chou entre le radicalisme de ses amis jeunes hegeliens, qui cherchent à faire passer des idées nouvelles, des idées, un athéisme assez virulent, à faire passer aussi peu à peu des idées communistes, démocrates et anarchistes, et de l'autre côté la bourgeoisie de Cologne, qui est plus libérale politiquement, et qui a un peu du mal avec ces idées-là, et qui est tout de même la pourvoyeuse de fond de la Gazette Rhénane. Donc, en fait, Marx à la Gazette Rhénane est plutôt politiquement en retrait des jeunes hegeliens. C'est quelqu'un qui reste beaucoup plus libéral, modéré, à essayer de transiger avec les bourgeois de Cologne face aux idées nouvelles des jeunes hegeliens berlinois, ce qui amènera d'ailleurs à une brouille entre Marx et la plupart des jeunes hegéliens berlinois, dont son ancien ami Bruno Bauer. Engels, qui arrivait de Berlin, se rend à la rédaction pour rencontrer ce journaliste dont tout le monde parle. Eberhard Illner. Leur première rencontre est étonnamment froide. Marx se trompe visiblement dans son jugement. Il assimile Engels aux jeunes Hegeliens avec qui il venait de se brouiller. Il faut dire que Marx avait tendance à se brouiller avec tout le monde. Lorsque Marx et Engels se rencontrent pour la première fois, le contact est plutôt froid, même s'ils sont tous les deux de jeunes hegéliens de gauche. Étonnamment, Marx se montre plus diplomate et accommodant qu'Engels, beaucoup plus radical. Engels a des avis bien plus tranchés sur la nature du changement politique. Dans un premier temps, Marx le considère un peu comme une tête brûlée, un jeune homme sans véritable stratégie politique pour l'avenir. C'est malheureusement ce qui caractérisera Marx toute sa vie. Il était très critique envers les autres, très intolérant. Quand vous n'acceptiez pas son argumentation, quand vous n'étiez pas du même avis que lui, vous deveniez automatiquement un ennemi. Pour Marx, on était soit amis, soit ennemis. Et ses ennemis, c'était ceux qui n'étaient pas entièrement d'accord avec lui. Une des choses qui sont beaucoup reprochées à Marx, par ceux qui ne l'aiment pas, c'est le nombre phénoménal de polémiques qu'il a menées contre les gens de son temps, y compris des gens d'une grande valeur intellectuelle, ce qu'il ne contestait d'ailleurs pas. Donc, il est présenté comme une sorte de mauvais coucheur par principe, et d'être prétentieux, qui sans arrêt se considère comme plus fort que les plus forts. Si on veut bien entrer un peu plus dans le contenu, Marx n'est pas simplement quelqu'un qui combat les autres. C'est à chaque fois quelqu'un qui essaye d'aller au fond de la question et qui, par un puissant coup de talon, ressort de là avec la mise en évidence de nouveaux éléments théoriques qui jusqu'ici n'étaient pas compris. Lorsque la Gazette Rhénane est interdite, puis quelques mois plus tard cesse sa publication, au début de l'année 1843, il s'agit à la fois d'une perte de revenus pour Marx, mais aussi de l'échec du projet politique qui était le sien à la Gazette Rhénane, de l'échec du projet libéral, d'une modernisation de la Prusse qui serait poussée par la formation d'un espace public libre et radical. Alors, de ce point de vue-là, le premier engagement politique de Marx, celui du jeune Marx, donc c'est un engagement de journaliste, d'intervenant dans le débat public allemand, jusqu'au point où finalement cette intervention s'avérera impossible et où Marx va choisir l'exil d'un certain point de vue. Ça lui sera infligé, mais il le choisit aussi en refusant de se battre à coups d'épingle, comme il le dit quand il quitte l'Allemagne et les revues qu'il animait. Il va continuer à faire un travail politique sous la forme de ce travail de journaliste tout au long de sa vie. Une de ses obsessions depuis les travaux de jeunesse, c'est cette question de l'État, de la démocratie. L'État comme incarnant justement cette politique séparée, cette politique coupée de la réalité sociale dont il faut s'emparer de nouveau, qu'il faut se réapproprier. Et tout son militantisme politique, toute son action et sa réflexion politique tournent autour, je crois, de cette question de la réappropriation. À ce moment-là, Marx se trouve dans son imminente belle famille, la famille noble des Westphalen, puisqu'il va bientôt se marier avec Jenny von Westphalen. Et il travaille dans le cabinet et la bibliothèque de feu son futur beau-père. Il travaille, en l'occurrence, principalement dans ce manuscrit, sur l'articulation entre société civile et État. Marx, dans le manuscrit de Kreutzner, en discutant la philosophie hegélienne, lui oppose une nouvelle position politique et qui correspondrait davantage aujourd'hui à ce qu'on appellerait démocrate radical, puisqu'il s'agit d'une démocratie directe, d'une démocratie qui rejette la représentation. Ce modèle de démocratie radicale reste très abstrait sous la plume de Marx, parce que c'est un écrit expérimental. C'est un écrit où il cherche à penser un nouveau modèle entre société civile et État, où il cherche à penser un nouveau but, celui de la démocratie, mais il le fait encore d'une manière très hypothétique, en cherchant des arguments, en cherchant des formes possibles, et il le fait d'une manière qui n'aboutira d'ailleurs pas. Le grand amour romantique de Marx et Jenny se scelle par un mariage qui a lieu dans une petite ville de Rhénanie, à Kreuznach. Le jeune couple quitte rapidement l'Allemagne pour Paris. Marx et Jenny vont alors être rapidement confrontés à une situation qui n'a plus rien de romantique. C'est, si vous voulez, l'histoire d'un grand amour qui va devoir se heurter à la dure réalité sans trop se briser. Son destin, son avenir, c'est l'exil, c'est une vie difficile dans toutes sortes d'endroits, sous la menace d'une expulsion, d'une perquisition domiciliaire. Rien ne stimule l'exercice de l'intelligence, de l'esprit, comme les persécutions dont on peut être l'objet. Et je pense à la réflexion d'un autre philosophe juif du premier rang, Spinoza. Ne pas rire, ne pas pleurer, comprendre. Lorsque Marx se prépare à émigrer, il hésite entre la Suisse, la Belgique et la France, finalement ça sera la France et ça sera Paris, il écrit à Ruge que ce qu'il n'arrive plus à faire et qu'il faisait encore à la Gazette Rhénane, c'est contrefaire sa propre pensée, c'est faire des compromis apparents de manière à éviter le plus possible la censure. Il dit que écrire en Allemagne, c'est se falsifier soi-même, qu'il faut arrêter d'écrire avec des épingles pour écrire avec des épées. Karl Marx, l'inconnu. Avec les historiennes Béatrix Bouvier et Rachel Holmes, les historiens Johann Chapoutot, Frank Hirschmann, Tristram Hunt, Eberhard Illner et Christian Janssen, les économistes Jacques Attali et Michael Kretke, les écrivains Pierre Bergugnou, Manfred Flüge et Sébastien Spitzer, les archivistes Jacques Paparot et Katia Wollenberg, le chercheur Götz Lankau, la directrice de la maison Karl Marx, Elisabeth Neu, les philosophes Pauline Clochec, Isabelle Garraud, Michael Heinrich, Jean Quétier et Lucien Sève. Voix Catherine Boguet, Gabriel Dufay, Laurent Lederer, Mohamed Rouhabi et Andrea Schiffer. Attaché d'émission, Sarah Godard. Traduction, Lou Elio. Documentation, Maria Contreras, Romain Couturier. Merci à Jean-Yves Masson pour la traduction du poème du jeune Marx et au Goethe-Institut de Paris. Prise de son, Yann Frécy et Alain Joubert. Mixage, Claude Nior. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. À demain, pour la troisième partie de cette grande traversée, Karl Marx à l'heure des révolutions.